C'est elle qui me faut, je dois la présenter à Yema. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit ma Elvira, soit ma Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on ne dira pas pour peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Hey, y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Bébé veut des marmots avec que je l'emmène à la mairie. Je veux le blinguer plein de lambeaux, j'suis trop cramé sur Paris. Hey. Bébé dans la main gauche j'ai le diamant que tu mérites. Regarde bien l'ombre et qui va changer ta vie. Parce que ta vie sera probablement meilleure à mes côtés. Faut pas que tu doutes, dis-moi combien faut de zéro pour te doter. Et je te les donnerai. Je peux donner sans même sentir que j'ai donné. Moi j'ai charbonné pour éviter de bégayer. Il me faut, je dois la présenter à Yéma. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit ma Elvira, soit ma Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on dira pas par peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Jaloux, trop de requins dans le grand bain. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Oh, y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Fais disparaître des soucis comme si j'étais Copperfield. Bébé, j'ai pris rendez-vous chez ton père pour lui demander la main de sa fille. Hey, on fait les choses dans les règles, mais faudra toujours qu'on s'explique. Ils parleront, ouais, ils nous veulent du mal, mais bon. Je m'en vais piquer ton cœur et tu sais que je suis trop précis. Tes principes et tes valeurs, tu fais partie de ma famille. On fait les choses dans les règles, mais faudra toujours qu'on s'explique. Ils parleront, ils nous veulent du mal, mais bon. Je sais qu'ils parleront, parleront jusqu'à la gorge séchée. T'inquiète pas, je prends les coups, mais faudra bien t'accrocher. On peut s'en aller, se barrer, mais on va rester ici. On ne dépendra pas des autres pour continuer. C'est elle qui me faut, je dois la présenter à Yema. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit moi Elvira, soit moi Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on ne dira pas pour peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Hey, y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Elle qu'il me faut, je dois la présenter à Yéma. M'aimeras-tu quand je serai fauché comme à l'ancienne? Soit ma Elvira, soit ma Cardi, je serai ton off. C'est plein de choses qu'on ne dira pas par peur de faire foirer les projets. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. C'est nous deux ou bien rien jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Y'a trop de jaloux, trop de requins dans le grand bain. Le grand bain.